Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, l'émission de 18h-19h sur Radio Guémozo 107 FM qui ce soir n'est pas en direct. Alors si vous avez comme d'habitude envie de réagir à l'émission, vous pourrez le faire mais sur Facebook hein, et je lirai avec joie vos commentaires. Mais en attendant, ouvrez grand vos oreilles vu qu'on va en savoir un petit peu plus sur un événement qui se déroule très bientôt à La Bresse. Il s'agit bien entendu du si connu festival Camille Claudel et j'ai aujourd'hui avec moi Charlotte qui est venue nous parler de ce festival. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors déjà avant toute chose pour placer les choses, toi tu travailles à la mairie auprès de Xavier, c'est ça? Oui. Xavier Battistella à qui on fait un petit coucou vu que c'est un peu un habitué de la radio. Mais comme ça on voit quel est ton champ d'action. Donc toi tu es au niveau de l'organisation, c'est ça, auprès du festival? Oui, alors organisation et communication aussi. Et ça fait d'ailleurs longtemps que tu travailles à la mairie? Depuis début mars, donc tout frais. Voilà, c'est le premier festival que tu organises auprès de Xavier. Et dis-moi, ce festival, il en est cette année à sa 27e édition, oui. Si je ne me trompe pas. Ça a commencé en mai, du 20 au 27 mai 1990, où il y a eu un premier festival de sculpture sur bois, c'est ça? Oui, à la base c'était uniquement sur bois. Et ensuite les choses ont évolué. Ensuite, voilà, oui, ça a évolué, la pierre est venue, le métal aussi. Et on en est maintenant à la 27e édition qui a lieu cette année, je crois que ça commence aujourd'hui. Alors, on a les sculpteurs sur pierre qui ont commencé aujourd'hui, mais officiellement ça commence samedi, donc, et c'est du 5 au 13 mai. 5 au 13 mai, oui, où il y aura énormément de choses, mais je pense qu'on fera courant de l'émission le détail des choses à venir, des points forts de ce festival. Et d'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu peux peut-être un petit peu rappeler à nos auditeurs, si tu le sais, qui était Camille Claudel, vu qu'après tout, le festival porte son nom? Alors, c'était une très talentueuse artiste qui faisait du coup de la sculpture et qui est passée à La Bresse. Et elle a notamment été élève du célèbre sculpteur Rodin. Et également à Mantes. Et elle a connu une vie assez difficile, puisqu'à l'époque, être une artiste femme, c'était assez compliqué. Et même sa famille n'était pas vraiment avec elle. Et elle a fini dans un asile psychiatrique. Et elle a eu une fin très malheureuse. Donc aujourd'hui, elle n'est pas vraiment connue à sa juste valeur. Et c'est pour ça que le festival Camille Claudel est là, pour lui rendre un petit peu hommage. Et 27 ans que La Bresse lui rend hommage, même si il me semble qu'il n'y a pas eu de festival chaque année, mais quand même, on est à la 27e édition. Souvent, oui. Depuis, je le rappelle, 1990, hein, le temps passe. Et le thème de cette année, vu que depuis quelques années, il y a des thèmes en particulier, il me semble l'édition 2017, je crois, c'est sur les mythes et légendes. Oui, exactement, oui. On peut en parler un petit peu, un petit feedback, si tu as eu quelques retours sur le festival de l'an dernier. Alors, j'en ai pas eu beaucoup. Mais apparemment, tout s'est bien déroulé, comme d'habitude. Et on a eu beaucoup, beaucoup de personnages sortis de l'imagination des sculpteurs au niveau de mythes et légendes. Et vu qu'on parle de thème, bien entendu, on va venir tout de suite au thème de cette année, qui est un regard. Ou au regard, oui, tout, regard simplement. Tout simplement. Oui. Est-ce que tu as participé au choix du thème de cette année? Alors non, j'étais pas encore arrivée malheureusement. Mais il s'est fait en accord avec surtout Olivier Claudon, qui est l'artiste qui réalise les affiches de chaque festival. Et pour lui, le regard, c'était par rapport à l'affiche où on voit plein de deuil. C'était surtout mettre le point sur le regard, par exemple, de Big Brother, le regard de la société, qu'on est épié chaque jour avec les écrans, les réseaux sociaux, etc. Et donc, ce thème, c'est après le fil conducteur de l'exposition ou le thème qui est imposé aux artistes, vu que je le rappelle, hein, à l'heure actuelle, on a les tailleurs sur pierre qui ont déjà commencé, oui. Et pendant le festival, il y a des sculpteurs qui, d'après le thème, si je ne me trompe pas, vont sculpter, oui, des œuvres. Et donc, c'est juste pour les artistes qui font leur performance ou même pour l'exposition en général ? Alors, c'est pour tout le monde, on va dire, sachant que là, on a 25 sculpteurs en tout pour le symposium, donc des professionnels et des élèves également. Et tous travailleront autour de ce thème, le regard, et même les animations qu'on va avoir seront à partir du thème, le regard. Et tu parles de symposium, est-ce que ce sera un petit peu comme des conférences sur la sculpture pour en savoir plus ? Alors, on en aura une qui sera la table ronde radiodiffusée, que Xavier aime tant, qui se déroulera le jeudi de l'Ascension. Et là, effectivement, ce sera un petit peu une conférence autour de 4 thèmes différents qui s'approchent de la sculpture et de l'art en général, avec 4 invités un petit peu variés. On aura de l'éducation, des artistes, etc. Et donc, ce sera animé par les radios locales, oui, et diffusé en direct. Bien entendu, et puis bon, comme je fais quand même partie, oui, il y aura Radio Guémozo, il y aura Radio des Ballons avec Raymond qu'on embrasse bien fort, oui, il y aura aussi Résonance FM, oui, je crois, avec Eric à qui on fait aussi un coucou, donc au moins nous trois, voire plus, hein, on n'en, oui, sait pas encore, mais au moins il y aura nous trois, donc pour nos auditeurs, si vous voulez nous rencontrer, vous pourrez nous voir le jeudi 10 mai vers 17h à la presse, ce, oui, sera en dessous de la patinoire, c'est, oui, ça ? Oui, c'est ça, en plein milieu des sculpteurs. Qui arrêteront bien sûr leur machine pour l'occasion. Oui, pour pour qu'on puisse pour écouter écouter un petit peu les invités, vu qu'ils auront certainement des choses très intéressantes à dire, et je pense qu'on aura tous hâte de les rencontrer et de parler avec eux. Dis-moi avant toute chose, le festival, vu que c'est bien de le dire, ce sera sur la Bresse, mais, oui, où précisément, vu que bon, la Bresse. C'est pas petit. On a 3 sites principaux. Donc, on aura le parking de la Halle des Congrès, où on aura notamment les sculpteurs sur pierre, qui sont déjà sur place, on l'a déjà dit. On aura aussi donc l'espace loisir de la patinoire, où on aura là les sculpteurs sur bois et métal, et aussi des animations. Et il y aura également l'espace buvette. Et enfin, on a la Halle des Congrès elle-même, qui accueillera une exposition vente des sculptures réalisées lors des années précédentes. Et enfin, je me suis trompée, j'ai dit 3, mais il y en a 4. Il y a aussi la Maison de la Bresse, donc qui se trouve un tout petit peu sur la gauche, mais face à la mairie. Et dans cette Maison de la Bresse, on aura l'exposition de l'invité d'honneur, la boutique du festival et un espace vidéo pour revivre les festivals d'avant. Et pour tous ces événements, l'entrée, elle est gratuite ou elle est gratuite, mais pour ceux qui veulent, on a un petit billet de participation qui est possible d'acheter. Et d'ailleurs, si vous l'achetez, qui coûte 2 euros, il me semble, vous pouvez également être tiré au sort pour gagner une sculpture. Ah oui, et si je ne me trompe pas, déjà, je crois que c'est la sculpture choisie par le public, parce qu'il y a possibilité d'élire la, oui, sculpture, d'après, oui, le, oui, le comité le prix du public. Oui, oui, et justement, cet achat billetterie permet aussi de choisir l'artiste qui nous plaît le plus. Voilà, c'est ça. Donc, des informations, et puis oui, 2 euros, c'est tout à fait... C'est raisonnable. Voilà, tout à fait raisonnable, hein, autant dire. Et donc, ça se déroulera, comme tu l'as dit, sur une bonne semaine. Hein, du, oui, samedi, bon, ça fait 9 jours au total. Ah oui, donc un festival assez conséquent autour duquel, j'imagine, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de monde qui doit travailler. Oui, beaucoup de bénévoles surtout, qu'on remercie d'ailleurs. Oui, on salue le travail des bénévoles, on le rappelle à chaque fois, hein, c'est du temps qu'ils donnent et du cœur, oui, aussi. Exactement. Et c'est important de s'en rappeler. Et aussi, après, il y a tout le monde qui travaille, donc les artistes, les offices de tourisme, la Maison de la Bresse. Oui. Bon, il y a Xavier et toi et tout ce petit monde qui organise tout ça pour faire une très belle, un très beau festival. Parce que, oui, c'est pas qu'une journée, hein, 9 jours, c'est pas rien à organiser. Et d'ailleurs, ces journées, ce sera vraiment, il y a possibilité de visiter tout au long de la journée pendant ces 9 jours. Oui. Exactement, les 9 jours, il y aura toujours du monde. Après, il y a certains jours, il y a plus d'activités à faire que d'autres, mais sur les 9 jours, on pourra avoir accès aux sculpteurs. Et d'ailleurs, dis-moi, pendant ces 9 jours, vu que on rappelle, on continue un petit peu, il y aura juste possibilité de voir des œuvres ou des sculpteurs, ou ce sera aussi possible d'avoir des animations autres? Alors oui, on a prévu des animations, bien sûr. On a d'abord Alain Ménien, qui nous propose une sculpture participative. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on a déjà demandé au public, et on pourra demander également durant le festival au public, de ramener par exemple des outillages en métal ou toutes sortes d'objets métalliques dont on ne se sert plus, et de les ramener à Alain Ménien qui, lui, va créer sa sculpture à partir de tous ces objets. Ah oui, donc, c'est intéressant, oui, ça, bah voilà, sculpture si participative. Un petit bout de métal qui traîne chez soi, ça peut devenir une œuvre d'art. Oui, tout simplement, et je pense que ça encourage le monde. Et en parlant de ça, j'imagine que c'est un festival assez fréquenté. Il me semble que la première édition a rassemblé 20 000 visiteurs. Oui. Et tu sais ce qu'il en est pour les années précédentes ? J'ai pas les chiffres exactement, mais oui, apparemment, chaque année, ça augmente et c'est bien fréquenté. Et donc, est-ce que tu sais quelles sont à peu près les attentes de visite pour cette année ? J'ai pas les chiffres non plus. Ah là là, mais on espère que vous serez beaucoup, oui, en tout cas. Oui, on espère aussi. Pour parler de chiffres précis, beaucoup, c'est déjà pas mal. Oui. on espère qu'il y aura du monde pour voir tous ces sculpteurs, vu qu'il y a possibilité, j'imagine, d'échanger avec eux. Ah oui, bien sûr. C'est l'un des maîtres mots du festival, c'est vraiment le partage, la convivialité et pouvoir échanger avec des artistes. Ces artistes sur lesquels on va aller un petit peu plus en détail, mais avant, je vais proposer la première pause musicale. Il s'agit d'un morceau de MLCD, donc My Little Cheap Dictaphone, de l'album The Smoke Behind the Sound, donc c'est le morceau Changing My Heart. Donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Thank you. Et c'était MLCD, My Little Cheap Dictaphone et leur morceau Changing My Heart. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM dans l'émission L'Heure des Loups. Toujours avec Charlotte de la Maison de la Bresse, c'est ça ? Oui. Pour parler du festival Camille Claudel qui aura lieu cette année, donc du 3 au 13 mai. Non, du 5 au 13 mai. Du 5 au 13 mai. Voilà. Quelques jours près. Toujours le festival de culture comme d'habitude, mais pour sa 27e édition qui va présenter bon nombre d'artistes et d'invités d'honneur. Et d'ailleurs, les artistes, parlons-en, ce serait peut-être bien de les mettre un petit peu en lumière dans notre émission. Mmh. Alors, comme je le disais, ils sont au nombre de 25 cette année. Donc, on compte les professionnels et les élèves. Et on a 10 nationalités différentes. Donc, on a des Espagnols, des Brésiliens, des Argentins, beaucoup d'Argentins d'ailleurs cette année, ça, il y a du succès là-bas. On a également des Allemands, des Belges, enfin, on a vraiment un festival qui touche un petit peu partout, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que je me rends compte avec tout ce monde-là, donc c'est un festival d'ampleur internationale. Mm-hmm. Ça fait longtemps que c'est le cas ? Très bonne question, mais je pense que oui, parce que ça fait très longtemps qu'on a envie d'avoir des sculpteurs qui viennent pas forcément que de la France et qu'on a envie d'élargir. Oui, c'est bien d'ouvrir les frontières et aussi de découvrir des talents en dehors justement de nos frontières. Oui. Et j'imagine que chaque année, on a toujours, enfin, il y a toujours de bonnes surprises avec des gens plus talentueux les uns que les autres. Oui, et puis il y en a qui reviennent, il y en a toujours des nouveaux, et c'est vrai qu'on a toujours de bonnes surprises, et certains, on sait déjà qu'ils ont de la qualité dans leurs mains. Et en parlant de ça, vu qu'il y a des artistes, et bien entendu, il y a un ou une invitée d'honneur, et cette année, l'invitée d'honneur est une femme. Oui. Qui est-ce donc ? Alors cette année, c'est Dominique Grensinger. Donc c'est une Lorraine, qui vient de Lunéville. Et qui pratique principalement la sculpture en terre. Donc la sculpture en terre glaise, argile. Oui. Mais elle ne fait pas des pots, vu qu'elle n'est pas potière, non. Elle fait des statues, de ce que je vois, pas mal de statues de femmes. Oui, ou alors oui, surtout des corps qui se prennent la tête souvent, enfin, qui prennent leur tête la tête dans leurs mains, oui, c'est comme ça qu'on dit. Mais elle fait également de jolies sculptures un petit peu avec des maisons. Enfin, on a l'impression que c'est un petit peu un ramassis de maisons. Je ne sais pas comment on peut dire ça. On en attend. Oui. Et c'est accroché dans le ciel, dans l'air en plus. Donc c'est assez joli. Et elle fait un travail assez remarquable, lui. Et avec beaucoup d'émotion quand on le regarde. Donc, on pourra aller la découvrir, bien entendu, pendant le festival. Oui, bien sûr. Elle fait donc son exposition durant tout le festival et jusqu'au début juillet à la Maison de la Bresse. Ah oui, donc on a même l'occasion de la voir encore plus longtemps que ça. Elle restera encore après. Et dis-moi, quel est en fait le principe d'un invité d'honneur, mis à part d'être un invité d'honneur ? Eh bien là, c'est plutôt faire découvrir un talent, mais plutôt de la région, parce qu'en général, ils sont quand même du coin. Et de justement le mettre à l'honneur pour présenter son talent au public, qui puisse découvrir, en plus de nos sculpteurs, un talent du coin, quoi. Oui, un talent, vu qu'elle est Lorraine, hein, comme tu viens de le dire, je rappelle qu'elle est de Lunéville. Et on aura l'occasion, encore une fois, comme les autres, de discuter, d'échanger avec elle. Est-ce qu'elle, d'ailleurs, elle va faire partie aussi du défi artistique de créer quelque chose autour du thème Le Regard ? Ah non, malheureusement non. Mais par contre, elle propose, on aura une soirée apéritive avec elle, donc on pourra la rencontrer, discuter avec elle. Et elle propose aussi un stage de découverte sur la sculpture en terre, du coup. Et donc là, ça va être intéressant d'y aller et de la rencontrer, de discuter avec elle et qu'elle nous montre comment elle fait ses sculptures. Et vu que tu as parlé d'apéritif, ce serait peut-être bien, alors non pas de boire un coup, hein, mais de définir le programme, vu que, bon, en effet, le festival sera rythmé par plein d'événements, en plus de cette exposition qu'on peut voir tout au long des journées. Mais il y a des temps plus ou moins forts, en fait, pendant ces 9 jours. Est-ce que tu peux nous les détailler un petit peu ? Oui. Je vais prendre un petit peu chronologiquement. Donc on sait qu'à partir d'aujourd'hui, on a les sculpteurs sur pierre qui sont en action. Demain, vendredi 4 mai, on aura un accueil officiel des sculpteurs, donc là, tous les sculpteurs. Et samedi, c'est le début du festival. Et donc on aura l'ouverture de l'exposition de Dominique Rennes-Singer dont on vient de parler, et de la boutique également, et donc on fera le vernissage de l'exposition. Donc un moment sympathique. Ensuite, comme temps fort, on aura le mercredi 9 mai, on aura la présentation officielle des réalisations Créa-Jeune. Donc Créa-Jeune, c'est principalement une association qui fait des animations pour les enfants. Et ça a commencé depuis déjà bien longtemps, mais ça continuera durant le festival. Et donc voilà, ils vont nous montrer leur création. Et ensuite, le plus gros temps fort, j'ai envie de dire, ce sera donc le jeudi 10 mai, le jeudi de l'Ascension. On aura donc un apéritif concert avec l'orchestre d'harmonie Jeanne d'Arc. On aura ensuite une vente aux enchères, donc ça c'est une grande nouveauté de cette année. Donc on va vendre les sculptures des années précédentes, donc avec un commissaire priseur qui nous vient de Saint-Dié-des-Vosges, et on aura surtout l'opportunité d'acquérir des sculptures à prix cassé. Oui. Donc si on veut acquérir une sculpture chez soi, c'est le moment. Et on aura, pour finir cette journée, la table ronde radiophonique, donc diffusée en public, sous la halle patinoire. Le vendredi 11 mai, ensuite, on aura donc la rencontre apéritive avec Dominique Rennes-Singer, dont on parlait tout à l'heure. On aura également le film « L'artiste et son modèle », qui sera diffusé sur le cinéma grand écran de la Bresse à 20h30. Donc c'est un drame espagnol-français avec Jean Rochefort et Claudia Cardinal. Et donc c'est l'histoire d'un sculpteur, donc Marc Ross, et son histoire avec sa modèle. Et ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, on aura le samedi 12 mai le stage de découverte avec Dominique Rennes-Singer. Et la présentation officielle des œuvres de tous les artistes. Donc voilà, chacun va nous montrer son œuvre qui sera donc finie à ce moment-là. Oui. Et enfin, le dimanche, on aura la dévoilation de Richard Brouard, on n'en a pas encore parlé. Donc c'est une autre animation de cette année. Donc Richard Brouard, voilà, nous propose la dévoilation. Donc c'est un mot que lui-même a inventé, qu'on ne trouvera pas dans le dictionnaire. Et en fait, il propose de réaliser une œuvre d'art de A à Z sous nos yeux. Et on ne sait pas ce que c'est jusqu'à la fin, en fait. C'est un petit peu magique. Ah, c'est très intéressant. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a de la performance artistique, il y a de la rencontre. Il y a même l'opportunité de voir un film, comme tu le rappelles, hein, sur l'histoire entre un sculpteur et sa muse. Enfin, plein de choses. C'est extrêmement varié, sans compter les autres. Peut-être il y a des animations annexes. Je crois, il me semble avoir vu sur des communiqués plus anciens qu'il y avait des accordéanistes. Enfin, des gens qui venaient alors, faire de la musique. Il n'y en aura pas cette année, mais oui, c'est vrai qu'on essaye d'animer le festival. Et oui, en point nouveauté, tu m'as dit déjà, première de cette année, il y a la vente aux enchères. Oui. Ces sculptures vendues aux enchères, ce sont des sculptures des sculpteurs qui sont là, des sculpteurs de l'an dernier. C'est des sculptures des années passées, donc de 1990 jusqu'à 2015, il me semble. Ah oui, donc on a vraiment l'occasion d'acquérir ces œuvres des années passées qu'on a peut-être vues, qu'on a peut-être aimées. Oui, et qu'on n'a peut-être pas pu s'offrir et que maintenant c'est possible. En effet, et y aura d'autres nouveautés en plus de cette vente aux enchères. Alors, ben, comme je l'ai dit, la table ronde, oui, bon, elle a déjà existé les années passées, mais cette fois-ci, avant c'était plusieurs petites tables rondes et cette fois-ci c'en est vraiment une seule et diffusée en direct. Qu'on a hâte d'écouter. Et que ce sera l'occasion aussi de rencontrer les animateurs que vous écoutez de temps en temps, si jamais. En plus de rencontrer des personnes assez importantes de l'éducation nationale et même du secteur artistique. Enfin, ce sera vraiment une rencontre très conviviale, j'espère. Enfin, on verra comment ça se passera. Intéressante à suivre, je pense. Oh, j'en suis sûre. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai hâte. Et oui, donc ça, c'est toutes les choses qu'il y a à voir, qu'il y a à faire. Oui. Hein, mais pour ceux qui n'ont pas réussi à tout suivre, le programme se trouve aussi sur le site internet de la Maison de la Bresse. Alors non, le site internet du festival. Et quel est-il ? Alors, c'est www.festival-sculpture.fr. Donc, pour ceux qui nous ont écoutés et qui veulent retrouver le programme, hein, c'est sur le site internet que Charlotte a dit, mais je le rappellerai en fin d'émission. En attendant, tu sais quoi ? On va se passer un autre morceau et un morceau Ah là là, que tu aimes beaucoup et d'ailleurs que moi aussi j'aime beaucoup. Tiens, ça nous fait un sacré point commun. Donc, il s'agit d'un morceau de Queen, tiens donc. Oui. Il s'agit de Bohemian Rhapsody. Donc, on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Guimauzo. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Yeah. Et c'était Bohemian Rhapsody de Queen, forcément, vous l'avez reconnu. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et je suis toujours avec Charlotte de la Maison de la Bresse pour parler du festival de culture, de sculpture, Camille Claudel, qui en est à sa 27e édition et... Il s'en passe des choses, il s'en passe. Et pendant la pause musicale, j'ai un petit peu relu le programme et les choses à faire. Et j'avais un petit peu envie de revenir déjà sur Créa Jeune. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est, comment ça va se passer, enfin, oui, voilà. Alors c'est un dispositif qui est mis en place par la Maison de la Culture et des Loisirs de la Bresse, donc la MLC. Et donc voilà, c'est principalement tourné sur un public jeune, donc on aura des ateliers avec des scolaires, donc on en attend environ 600. Et ce sera également ouvert au public les jours fériés, durant le festival. Et donc on proposera des animations avec des artistes professionnels, notamment Elisabeth Dumoulin, Anita Roturo, Didier Pozza, Paulino Grasse et Bruno Parmentier, et aussi Nicolas Mangel. Donc ils sont tous plus ou moins sculpteurs, ou alors ils font dans l'image et des choses comme ça. Donc c'est très intéressant pour les enfants. Et tu as dit que c'est plutôt ouvert aux scolaires, mais qu'il y a possibilité aussi d'y assister pendant les jours fériés, donc oui. Ce sera le 8 et le 10. Oui. Mais c'est sur inscription, il y a alors, un prix, il vaut mieux quelque chose réserver, on conseille de réserver sur le site. Oui. Mais on peut y aller comme ça aussi, après ça tout dépend de la place qu'il y aura. Et après c'est tout à fait gratuit. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, c'est un peu une initiation à la sculpture ? Oui, voilà, c'est plusieurs ateliers. Après, on n'en sait pas plus, on découvrira sur le moment. Mais voilà, ce sera de l'initiation surtout à l'art et à la sculpture avec un des artistes que je viens de citer. Et d'ailleurs, hein, c'est pas la première année qu'il y a l'événement Créa Jeune ? Non, c'est récurrent aussi, oui. Voilà, donc c'est aussi un partenariat. Les partenaires, on va en reparler dans quelques minutes, mais voilà, c'est un petit peu pour revenir sur les quelques points que j'avais peut-être envie d'éclaircir à nouveau. Donc ça, c'est concernant Créa Jeune, et il me semble donc Créa Jeune qui sera à l'espace loisir la patinoire, oui. Et à la Maison de la Bresse, oui. J'avais envie de revenir sur la boutique en fait un petit peu, vu que oui. Il y a bien entendu possibilité d'acheter des choses en lien avec le festival. Oui. Est-ce que tu peux nous en redire un petit peu plus à ce sujet? Alors oui, évidemment, chaque année, on a une boutique du festival donc sur laquelle on peut acheter des petites œuvres en miniature, de sculptures bien évidemment, des pièces créées par les artistes encadrants de Créa Jeune. Et on a cette année une petite nouveauté aussi, on a un lien avec le musée Camille Claudel donc de Nogent-sur-Seine, donc on pourra aussi retrouver de petits articles de ce musée pour repartir avec un petit souvenir Camille Claudel. D'ailleurs, en parlant de ça, hein, comme on a parlé d'elle en début d'émission, vu que le festival porte après tout son nom, mm-hmm. hein, une grande sculptrice française de la fin du 19... Oui, fin 19e. Oui, c'est oui. Bon, je ne me suis pas trompée. Qui a longtemps été dans l'ombre de son amant, donc Auguste Rodin, et qui, depuis pas trop longtemps, je crois, ça fait seulement un an, qui a un musée qui est vraiment dédié juste pour elle. Je sais plus exactement les dates, mais il est récent, oui. Assez récent, oui. Donc, il est à Nogent-sur-Seine, oui. Hein, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus et voir toutes les œuvres qu'elle a faites, vu qu'en effet, c'était une sculptrice de grand talent qui, comme tu l'as dit en début d'émission, mérite vraiment qu'on mette son travail et son talent beaucoup plus en lumière et que cette fois, peut-être qu'elle est considérée à sa juste valeur en tant que grande artiste. Oui. Et comme tu l'as dit, hein, dans la boutique, bien entendu, on pourra voir et se procurer des miniatures de Camille Claudel, vu qu'elle en a fait de très très belles choses. Et d'ailleurs, je vois aussi, il n'y a pas que de la sculpture, je vois qu'il y a aussi un petit espace photographie. Mais qu'est-ce donc que cela ? Donc oui, on aura un espace exposition photographique avec le club Noir et Couleur d'Épinal, donc qui nous propose des photographies sur le bois. Et celle-ci est intitulée « De l'arbre à la sciure ». Et c'est un seul photographe ou c'est plusieurs non, photographes ? Non, du coup, c'est un club avec plusieurs photographes, oui. Qui travaillent donc sur la photo et le bois. C'est bien ça ? Tu peux développer un peu ? Alors, si tu sais. Toute l'année, ils travaillent sur la photographie en général, donc avec plein de thèmes. Et là, ils nous proposent donc une édition spéciale qui s'appelle De l'arbre à la sciure. Donc, comme c'est sur le bois, ça va bien avec le thème de la sculpture. Oui, vu que je le rappelle à la base, si je ne me trompe pas, le festival Camille Claudel, c'était un festival de sculpture sur bois. Oui. Et les choses ont beaucoup, beaucoup évolué, oui. Vu qu'il y a de la pierre, il y a du métal. Oui. Et il y en a d'autres. C'est à peu près tout, mais aujourd'hui, on retrouve aussi des associations, du coup, par exemple, de bois-métal ou bois-pierre ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, cette année, on a aussi une nouveauté, on a une sculpture sur paille. Ah oui, c'est enfin, vrai. En paille, on va dire. Donc, ça peut être assez surprenant. Oui. Hein, donc, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, il faudra se rendre au festival pour aller voir cette fameuse sculpture en paille. Oui. Qui est proposée par les frères Dominique et Michel Renaud. Qui sont des artistes locaux. C'est des artistes assez connus et qui travaillent la paille, du coup, et qui nous proposent des choses assez sympathiques. Là, ça s'appelle Les Petites Curieuses. Donc, à découvrir sur le festival. Oui, à découvrir. Hein. On a hâte de les voir. Et comme tu as parlé d'association, bon, pas dans le même terme que moi, vu que tu as parlé de sculpture faite de plusieurs métaux. Mais j'avais envie de revenir, avant la pause musicale suivante, sur les autres artistes invités, vu qu'il y a des artistes qui viennent seuls, mais il y a aussi des associations. Oui. Et des lycées qui sont invités. Oui. Alors déjà, qui sera invité ? Alors, on a la Maison du Granit, par exemple, donc, qui est sur la Bresse. Donc, qui travaille principalement le granit, du coup, et qui nous propose, comme les sculpteurs professionnels, une sculpture qui sera faite durant ces 9 jours, sur le thème du regard, toujours. On a aussi les artistes de sculpteurs de la Maison des Loisirs et de la Culture, donc la MLC dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est pareil, ils nous proposent aussi un projet sur le regard. Donc cette fois-ci, ce sera une sculpture en bois. Et on a pour finir donc, les écoles professionnelles. Donc on a le lycée professionnel de Neuchâtel. On a l'Institut Saint-Luc de Tournai en Belgique. Et on a aussi le lycée professionnel de Remiremont. Donc là, à chaque fois, on accueillera 2 élèves qui sculpteront avec les autres sculpteurs professionnels. Et est-ce que tu peux me dire comment sont choisies les associations ou les lycées ? Sur quels critères ? Alors, je ne sais pas vraiment, mais je sais que c'est toujours avec ces trois écoles-ci qu'on fonctionne et que des élèves viennent nous rejoindre. D'accord, donc en fait, le festival est en partenariat avec ces 3 écoles. Et les associations, c'est aussi chaque année les mêmes ou pas du tout ? Oui, c'est chaque année les mêmes. Donc voilà, c'est des partenaires fixes. Et justement, comme tu as dit qu'il y a déjà 3 lycées et 2 associations qui sont partenaires fixes de ce festival, est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui participent activement, je ne sais pas, à la médiatisation, à la préparation, à plein d'autres choses, et qui sont là chaque année ? Alors oui, on peut dire quoi. Par exemple, au niveau des médias, on a des partenaires un petit peu qui sont là chaque année. Ben, on a Radio Gamozo, bien entendu. Mais on en a d'autres, on a Vosges Télévision, France Bleu, Sud-Lorraine, la radio, et encore d'autres. J'ai plus tous les noms en tête, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous suivent chaque année, et j'espère qu'on en aura encore d'autres à venir. Donc, comme tu dis que c'est quand même assez suivi médiatiquement parlant, c'est un événement alors assez médiatisé, assez connu. Oui, on essaye, oui. Et est-ce que tu sais si les gens se déplacent aussi en dehors des frontières pour venir assister à ce festival ? Alors, je ne sais pas vraiment, mais je pense que ça doit toucher un maximum. Après, nous, on essaye de toucher déjà à la base, donc la Bresse, les alentours, les Vosges, la Lorraine, un petit peu l'Alsace aussi. Et après, ça suit, quoi. Enfin, on espère. Advienne que pourra, mais en tout cas, hein, comme il y a des artistes d'étendue internationale qui viendront, on espère et on invite les visiteurs qui viennent en dehors de nos frontières de passer, de se manifester. Ça fera toujours plaisir de voir qu'en dehors justement de nos frontières françaises, on vient pour assister à ce festival de sculpture. Hein, parce qu'après tout, c'est pas courant des festivals de sculpture aussi, ça revient un peu plus au goût du jour. C'est pas très courant, ouais, on n'en voit pas beaucoup. Donc on a un petit peu cette chance d'être original, on va dire. Et on espère que ça continuera, vu que c'est la 27e édition quand même qui a lieu cette année. Et avant qu'on fasse la quatrième et dernière partie de l'émission, je vais proposer une autre pause musicale. Alors c'est un morceau de l'album John Universe, enfin c'est les artistes John Universe, l'album intitulé To The Stars qui est sorti le 14 avril. Et c'est le morceau The Island, donc l'île. On se découvre ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. C'était l'album To The Stars de John Universe qui est sorti le 14 avril et leur morceau The Island. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM pour cette dernière partie de l'émission L'Heure des Loups. Toujours avec Charlotte pour venir parler du festival Camille Claudel qui aura lieu incessamment sous peu, hein, du 5 au 13 mai à La Bresse, qui en est à sa 27e édition quand même. Oui. Hein, 27 ans, c'est pas rien, ça a commencé en 1990, mmh. Autant dire, ça y est, ils sont bien rodés. C'est un festival oui. qui a pris ses marques et qui, je pense, est très connu dans le secteur. Et même, je pense, il est connu dans le secteur, tout simplement. Oui. Et comme on en arrive justement à la dernière partie de l'émission, on va peut-être résumer vraiment les temps forts les plus importants. Mmh. Si quelqu'un qui nous écoute a vraiment envie de passer pour des choses à ne pas louper, qu'est-ce que ce serait ? Alors, je pense que ce serait principalement venir le jeudi de l'Ascension. En plus, ben, c'est férié, donc si on n'a rien à faire, c'est l'occasion de venir nous rendre visite. Parce que ce jour-là, ben, comme je l'ai déjà dit, donc, on a la vente aux enchères des sculptures et la table ronde radiophonique. Donc, je pense que c'est des événements à ne pas louper. En effet. Ensuite, on a aussi le stage de découverte avec l'invité d'honneur, Dominique Grensinger. Donc, comme elle est mise à l'honneur, si on veut la découvrir et ne pas la rater, il faut venir le samedi 12 mai. Et enfin, on peut venir le dimanche 13 mai, car on aura par exemple l'animation de Richard Brouwer, donc sa dévoilation, et ça peut être quelque chose de très important, et aussi la proclamation des prix. Donc prix du public, prix du jury, prix des jeunes et prix de la plus belle vitrine. Ah oui, vu qu'il y a un prix de la plus belle vitrine. Et justement, on n'en a pas parlé de ça. C'est vrai, c'est dommage. Donc ça s'appelle Exposons dans la ville. Et en fait, c'est un principe où on prend les vitrines de la ville, donc les commerces, etc., qui veulent bien. Et on fait des petites expositions donc, d'artistes locaux cette fois-ci. Donc c'est très sympathique pour eux parce que ça leur permet de mettre en avant leurs œuvres et ça embellit les vitrines. En effet, ça me fait un petit peu penser au Fantasticar de Gérardmer où aussi les vitrines s'y mettent. Je crois à Remiremont aussi pour le carnaval vénitien de Remiremont. Oui. Et puis, bah voilà, la Bresse aussi, les commerçants s'y mettent, les vitrines qui sont dans le thème, vu que la Bresse vit vraiment au rythme de la sculpture pendant ce festival. Donc, si jamais, faites un petit tour, hein, il y aura sûrement des choses très intéressantes à découvrir. Et il y a aussi moyen de voter pour sa vitrine préférée. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est avec le biais dont tu as parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, hein. C'est 2 euros, je crois, pour soutenir déjà l'organisation et aussi pour voter pour ses artistes préférés. Oui. Et avec ce biais, il y a moyen d'être tiré au sort pour remporter une des sculptures qui aurait été faite cette année. Oui, bien sûr. Oh, donc c'est au choix de la personne ou c'est au Alors, choix c'est du la jury. Sculpture qui sera élue prix du public, en fait. Ah oui, tout simplement. Donc voilà, c'est l'occasion si jamais, si vous voulez peut-être déjà faire des rencontres et puis tout simplement hein, peut-être remporter une œuvre d'art unique, bien entendu, l'occasion. Et dis-moi, on a parlé un petit peu de Dominique Grainsinger, donc l'invité d'honneur, je le rappelle, hein, c'est pas rien, il faut vraiment la mettre en avant. Est-ce qu'on peut peut-être à nouveau la résumer un petit peu pour nos auditeurs? Oui, alors je rappelle qu'elle nous vient de Lunéville, donc pas très très loin, et que depuis toute petite, elle fait principalement des sculptures en terre. Elle a découvert ça à l'âge de 12 ans, il me semble. Et donc, que dire de plus, à part que c'est une artiste... fabuleuse, qui a un talent certain et qui propose des œuvres avec vraiment un ressenti émotionnel fort. Oui, donc encore une fois, il y a bien entendu l'occasion de la rencontrer bah, déjà samedi, comme tu l'as dit, c'est pas un atelier, c'est un stage découverte. Oui. Encore une fois, j'imagine une initiation à la sculpture et peut-être une ouverture sur son univers de création. Oui. Et il y a bien entendu hein, plein d'autres moments pour la rencontrer déjà tout au long de l'exposition. Et je le rappelle, hein, contrairement aux autres artistes, comme elle est invitée d'honneur, elle est exposée jusqu'au mois de juillet, c'est ça ? Jusqu'au 1er juillet, il me semble. Ah oui, donc c'est vraiment l'occasion de la rencontrer, découvrir vraiment son travail, qui est bien entendu très intéressant, sinon elle ne serait pas invitée d'honneur. Donc ça c'est pour elle. On peut peut-être encore une fois aussi rappeler, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de rappeler Camille Claudel vu qu'on en saura plus à nouveau sur elle, on la redécouvrira pendant le festival. Oui, elle est également aussi la grande invitée d'honneur comme chaque année. Oui, et c'est important, hein, important de le rappeler, hein. Une artiste de grand talent qui malheureusement est partie dans l'anonymat le plus total et c'est la volonté de la Bresse aussi, et c'est tout à fait louable de remettre son travail en lumière à sa juste valeur et c'est ça aussi de mettre en avant à leur juste titre le travail des artistes vu que je le rappelle ils seront 25 à créer à partir de maintenant hein, les sculpteurs sur pierre et ensuite à partir de samedi les autres donc sculpteurs sur bois et métal qui vont créer des œuvres en lien ou même une œuvre pardon en lien avec le thème de cette année pardon le thème le regard et puis ce sera aussi ces œuvres là qui seront possibles de voter pour son préféré donc en tant que prix du jury pas prix du jury, qu'est-ce prix que je raconte ? Public. Merci. Prix du public, prix jeune, je crois. Il y a plein de prix différents ? Oui, il y a le prix du public, donc proclamé par le public, le prix du jury, donc un jury très spécial, le prix des jeunes, donc là c'est par les enfants, et aussi le prix de la plus belle vitrine. Bien entendu, donc on a vraiment hâte... d'en savoir plus hein, en attendant je pense qu'on découvrira tout ça à partir du 5 mai du 5 au 13 mai, je rappelle l'entrée est tout à fait gratuite et il y aura plein de choses hein, il y a des boutiques, il y a comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, une vente aux enchères jeudi et bien sûr d'autres moyens si vous le voulez hein, de soutenir l'organisation vu que c'est quand même une organisation conséquente qui demande du temps et des bénévoles ils donnent leur temps. Oui. Faut pas l'oublier, il y a les salariés, il y a les bénévoles aussi. Mais c'est un travail qui paye, bien entendu, vu que pour en arriver à sa 27e édition, c'est un travail vraiment bien fait main dans la main. Oui. Tous ensemble, et c'est, je pense que c'est ça qu'on apprécie, c'est pour ça que le festival recommence à peu près chaque année, hein, vu qu'on on l'a dit, il n'a pas eu lieu chaque année, mais bon, ça c'est oui, pour mais... d'autres raisons. Oui. Mais voilà, c'est toujours avec un plaisir qu'on retrouve le festival Camille Claudel. Si tu as deux, trois petites choses encore à rappeler avant qu'on arrête l'émission, peut-être déjà le site internet pour le festival, peut-être pour plus Oui. d'infos. Alors, on a le site donc, du festival même, donc www.festival-sculpture.fr. Et sinon, on peut également retrouver les informations sur la page Facebook, donc Festival Sculpture Camille Claudel. On a aussi une page Instagram maintenant, donc si vous voulez suivre l'actualité en photographie, c'est l'occasion. Ça s'appelle Festival Camille Claudel. Et on a également plein d'informations sur le site de la ville de la Bresse et le site de la maison de la Bresse. Donc tout simplement, ça c'est toutes les informations dont on a besoin si nécessaire. Et avant qu'on se dise au revoir, comme d'habitude, je fais le programme de la soirée. Donc à partir de 20h, on retrouve François pour le calendrier des esclavages et des libérations. Puis la rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h. Donc demain 1er mai, fête du travail. Et oui, en effet, hein, comme demain c'est férié, il n'y aura pas d'émission, mais on se retrouvera mercredi pour parler de fléchettes avec le club d'artistes. En attendant, merci beaucoup Charlotte d'être merci. Venue parler du festival dans nos micros. Merci à nos auditeurs qui nous écoutent si fidèlement chaque soir. Et on se retrouve mercredi pour parler de fléchettes. En attendant, passez une très belle soirée et même un très beau jour férié. Bonne soirée à tous.